les allées du Jardin des Plantes, de Sophie Lemp. Cinquième épisode, Noël. 18h53. Depuis ce matin, je me dis à chaque instant, c'est la dernière fois que tu fais ce geste. Installer les tables, déplier les chaises, mettre mon tablier, sortir la pâte du réfrigérateur, allumer la plaque, tendre un bonbon à un enfant, faire un brin de causette avec un client. Dans 7 minutes, je ferai tout à l'envers. Un coup d'éponge sur la crêpière, plier les chaises, éteindre les lumières. Je retirerai mon tablier et je le glisserai dans mon sac. J'irai dire bonsoir à Yves, à Francine, à Sarah. Et je sortirai du jardin pour la dernière fois. Oh, j'y reviendrai bien un jour avec Paul pour aller voir les animaux, mais il y aura quelqu'un à ma place. Une toute jeune, sans doute. Je jetterai un œil en passant. Et peut-être bien que je lui achèterai une crêpe pour mon polo. Bonsoir. Bonsoir. C'est possible d'avoir une crêpe ou j'arrive trop tard? Ça devrait pouvoir s'arranger. À quoi vous la voulez, votre crêpe? Jambon fromage, s'il vous plaît. Avec beaucoup de fromage. Cette fois, c'est vraiment la dernière. Étaler la pâte d'un geste vif pour que la crêpe soit fine et régulière. Attendre qu'elle se soulève par endroits pour la retourner d'un coup sec. Disposer les petits morceaux de jambon et par-dessus, le gruyère râpé. Une fois le fromage fondu, la crêpe dorée, la plier et la glisser dans un cornet en papier. La tendre au client, attraper les pièces ou le billet et rendre la monnaie. Les jours où je faisais tout ça mécaniquement, en oubliant de sourire parce que j'avais froid ou mal dans le dos, les clients tournaient les talons sans un regard ni un merci. Alors que quand je leur glissais un mot gentil, quelque chose en eux s'ouvrait. Il y avait tout à coup de la lumière sur leur visage. C'est la première chose que m'avait dite Madame Dubois à l'époque. En souriant, vous attirerez la douceur. Du jour où je l'ai compris, j'ai essayé de rester aimable en toutes circonstances. Et voilà, monsieur, ça fera 4,80. Tenez, j'ai même la pointe. Ah, merci. Bonne soirée. À vous aussi. Bon appétit. 4,80 €. Plus de 30 francs pour un peu de lait, de farine, de jambon et de fromage. Avalé en un rien de temps, sur un coin de banc. Je ne sais plus combien coûtait la première crêpe que j'ai vendue. Il y a presque 40 ans. Je ne suis pas nostalgique. Tout est plus cher, oui. Tout va plus vite, avec ces écrans partout, tout le temps. Marcher, le portable vissé à l'oreille. Mais était-on plus attentif avant? J'aime que ça bouge. La vie, c'est ce mouvement perpétuel. C'est voir naître les enfants de ceux qu'on a vus grandir et les regarder se promener dans les mêmes allées que leurs parents. Tout était-il si différent avant? Noël, t'as vu l'heure? Il est temps de ranger, non? Tu m'offres un verre pour fêter ça? Je mets un peu d'ordre et j'arrive. En rentrant, il faudra que je pense à éteindre mon réveil. La retraite. Quelle drôle d'expression. Se retirer, mais de quoi? La vie n'aura plus la même forme, c'est tout. Jean m'a dit qu'il faudrait que j'apprenne à me reposer. En vacances, j'y parviens jamais. Au bout de quelques minutes à feuilleter un magazine ou à plancher sur des mots croisés, j'ai la bougeotte. Je me lève, je commence à ranger un placard, à récurer l'évier ou à éplucher des légumes. Alors la retraite, ça me fait doucement rigoler. Il y aura toujours une voisine à dépanner. Polo à garder, le jardin à bêcher. Quand Jackie est partie il y a 2 ans, elle se réjouissait tellement de ce qu'il attendait. Se lever quand bon lui semblerait. Aller au cinéma dans la journée. Se payer les voyages qu'elle avait jamais faits. Rome, la Grèce et les Antilles, si elle parvenait à mettre assez d'argent de côté. Ah, les Antilles en hiver, c'était son rêve. Le comble du luxe. Le dernier jour, elle m'a embrassée et m'a glissée. Je te dis pas à bientôt, je pense parvenir, tu sais. J'ai vraiment envie de tirer un trait. La buvette, c'est fini. Je vais penser à moi maintenant. Avoir envie de prendre du bon temps quand on a servi les autres toute sa vie, c'est normal, non? Elle a tenu parole. Elle n'est jamais passée nous dire bonjour, n'a jamais appelé pour prendre des nouvelles. Alors je suis restée silencieuse, moi aussi. Je pensais souvent à elle. Je l'imaginais sur une plage paradisiaque, pendant que d'autres trimaient dans la grisaille parisienne. Un an plus tard, sa fille est passée à la buvette avec son petit garçon. Quand je lui ai demandé des nouvelles de sa mère, son visage s'est assombri. Quelques semaines après son départ, Jackie avait senti une boule dans son sein gauche. Elle était morte en 3 mois d'un cancer foudroyant. Elle n'avait pas eu le temps d'aller à Rome, ni aux Antilles. Mais... Oh... Ce n'est qu'un au revoir. Oh non, non, non, non. Ce non, non, non, non, non. Pas qu'on allait te laisser partir comme ça. Comme moi qui me disais à l'instant que j'étais pas nostalgique. Oh, tiens, c'est un autre nom à tous, hein. Pour toi, Noël, un cerisier. Un cerisier. Oui, et je viendrai le planter dans ton jardin quand tu voudras, hein. Merci. Allez. Merci. Mmh. Mmh. C'était Dans les allées du Jardin des Plantes de Sophie Lemp avec Christine Murillo, Norbert Ferrer, Yvette Caldas, Béatrice Champagnier, Jean Rieffel. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage Claire Levasseur et Dali Yaha. Assistant à la réalisation Vivien Demeyer. Réalisation Pascal Deux.